J'entends le bruit qui court, boy. Yeah. J'entends le bruit qui court, boy. Yeah. Un écho dans un coupe-gorge. Yeah. Cours dans la nuit. J'entends le bruit qui court, boy. Yeah. J'entends le bruit qui court, boy. Yeah. Un écho dans un coupe-gorge. Yeah. Cours dans la nuit. Pendant que des faussaires veulent enfoncer l'enfant, celle qui braque la diligence. Chez tous les gens intelligents, ça rit jaune de voir les dirigeants s'ériger en défenseurs de la morale. Alors que dirigeante, pour nos sœurs, c'est un mot rare. Mon reflet dans ce miroir, rempli par l'orage, me rappelle qu'on sera tout seul quand on mourra. Même ces patrons qui te licencient quand t'as des enfants pour leur avarice, ou te disent qu'il faut céder à leurs avances pour en avoir une. Contester le pouvoir, on vous ruine. Ils sont peinards quand d'autres meurent. Peu de justice pénale, y'a qu'au tribunal que j'entends votre honneur. J'entends le bruit qui court, boy. Yeah. J'entends le bruit qui court, boy. Yeah. Un écho dans un coupe-gorge. Yeah. Cours dans la nuit. J'entends le bruit qui court, boy. Yeah. J'entends le bruit qui court, boy. Yeah. Un écho dans un coupe-gorge. Yeah. Cours dans la nuit. Dans les bras d'une autre fille, j'envie l'amour que j'ai happé, je me noie. Ça va trop vite comme la mort en girafe pour un jeune noir. Ça commence dès la garderie, cet écart terrible, ça va très vite comme la venue des flics dans les quartiers riches. Grandir avec de l'or en barre, hériter de vos remparts, et les cris des écoles privées deviennent vos remparts. Alors ouais, on peut tous s'en sortir, c'est vrai, mais faut quand même faire beaucoup plus d'efforts en bas, en bas. Tu sais ce qu'ils diront si jamais tu leur en parles. T'inquiète pas, va, quand y'a du chiffre en jeu, on devient fort en maths. Les nouvelles feront mal, ça crie hôtel. Encore une graine pleine de beauté que la rue enterre. T'as voulu arracher la douleur, devenir insensible, mais il te reste encore dans le cœur un peu de cette bonté que ta cruauté. Faut pas qu'on s'atrophie, bilan catastrophique, car souvent tout passe trop vite à part les souffrances. L'homme était bon avant qu'il souffre, mon reflet dans une flaque déformée par le vent qui souffle. J'entends le bruit qui court, boy. Yeah. J'entends le bruit qui court, boy. Yeah. Un écho dans un coupe-gorge. Yeah. Cours dans la nuit. J'entends le bruit qui court, boy. Yeah. J'entends le bruit qui court, boy. Yeah. Un écho dans un coupe-gorge. Yeah. Cours dans la nuit. Bien ou quoi, l'ami? J'suis blanc comme la nuit. Mais la nuit, mes roses s'étripent, alors ils sont dark. On est ensemble, ami, jusqu'à quand à ton avis? Mais le numéro de cette piste à l'horizontale. J'ai mis le rêve et ceux qui polémiquent. Et sur les minarets, ils élimineraient les minorités pour du minerai. Ils te diront qu'on peut pas accueillir toute la misère du monde, qu'on leur rende ce qu'on leur a volé. Voilà mes arguments. J'peux pas délaisser le son. J'suis conscient que la vie de nos sœurs est pleine de désillusions. C'est comme être compétente au taf et subir que des allusions. C'est nous qui portons les péchés des filles, bien que nous salissons. Un jour on sera mieux ici, écoute pas les nuisibles. C'est nous les fantômes que la nuit cible. Attends. Y'a certains moments de silence qui valent toutes les musiques. Hier encore dans la rue les ballons sifflaient. Va falloir beaucoup d'amoureux pour battre Lucifer. J'me savais pas aussi faible. Il paraît qu'on s'y fait, reflet perforé par les gouttes de pluie qui coulent. On crie en dévalant la pente, c'est nous le bruit qui court. Sous emprise comme Prince, les nuages sont bas, la pluie est violette. Les gouttes frappent le balcon puis les volets. Un rayon blanc transperce le prisme, et dans ses iris, le reflet d'un arc-en-ciel noir se brise. Elle pleut.